mais je te renie, je ne te vois plus dans ma vie. Trop longtemps, l'esprit aveuglé, en ton nom je me suis manqué. Je n'enverrai jamais ma lettre à la femme parfaite, car je préfère la mine défaite de mon amour concret. Yeah, yeah. De mon sommet au parfait, reste à tomber ou à se réveiller.